tant d'amour pour mon sauveur. Pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux, Seigneur. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux que tu m'as donné. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur, que dans tes bras d'amour. Une dernière fois. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Pour toi, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras, d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, que dans tes bras d'amour. Je veux que tout le monde chante. Ok, suivez-moi, c'est pourquoi je répète. Que tout le monde puisse chanter si tu ne connais pas le chant. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, que dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour mon sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour toi? Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, que dans tes bras d'amour. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Je veux que tu imagines ce matin, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la situation de ta vie, quel que soit l'état, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu penses que personne ne t'aime. Ce matin, je veux te dire que le Seigneur t'aime. Il te prend dans ses mains et il te met à sa poitrine contre son cœur pour te dire qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'a donné son nom. Et ce matin, je veux t'encourager. Tu n'es pas seul. Le Seigneur te prend dans ses mains. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Merci. Merci. Dans cette vie, il y a beaucoup de... On ne s'aime pas. Les hommes n'aiment pas. Ne nous aiment pas. Les hommes ne nous aiment pas. Mais le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime ce matin. Le Seigneur t'aime ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ma vie. Je suis en vie, je ne suis pas à l'hôpital. Je suis en vie, je ne suis pas malade. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci pour le salut. Oh Seigneur, merci ce matin. Pour ton pardon, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Regarde ton voisin. Même si tu ne m'aimes pas. Il faut lui dire, même si tu ne m'aimes pas. Le Seigneur m'aime. Alléluia. Wow. 1 Corinthiens. Alléluia. Prends ta Bible, 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 4. Verset 1, que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Verset 2, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Alléluia. OK. OK, le second, ainsi que qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun se soit trouvé fidèle. Alléluia. Amen. L'une des choses que le Seigneur demande de nous, c'est d'être fidèle. Alléluia. C'est d'être fidèle. La fidélité, c'est être fidèle, ça veut dire quoi? Être fidèle. Être constant. OK, constant. Être quoi encore? Disponible. Être quoi? Inchangeable. Yeah, j'aime ce mot-là. Inchangeable. Alléluia. Lorsque tu dis à une femme, je t'aime. Alléluia. Est-ce que tu vas changer ça après demain? Hein? Après demain, est-ce que tu vas changer ton avis? Ton amour est changé. Je ne t'aime plus. Inchangeable. C'est ça la fidélité. Alléluia. Inchangeable. Tu dis oui et c'est oui. Alléluia. Tu dis non et c'est non. Alléluia. Donc, inchangeable. Quoi encore? Inchangeable. Loyal. Alléluia. Loyal. Et la Bible dit que ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Que chacun soit trouvé inchangeable. Que chacun soit trouvé constant. Que chacun soit trouvé loyal. Alléluia. C'est la qualification principale d'un chrétien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Qualification principale. Qualification principale. Le manque de ce mot, fidèle, fidèle, fidélité. Alléluia. Yeah. Le manque de ce mot crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Alléluia. Lorsque tu vois des mariages qui ne travaillent, qui ne marchent pas, c'est à cause de manque de ce mot. Inchangeable. Alléluia. Parce que le jour de mariage, je dis, oh, je t'aime, toi aussi, même, jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à la mort. La mort, quoi, la mort? C'est la mort qui doit nous séparer. Yeah. Et puis tu vois, quelques mois dans le mariage, on commence à nous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Yeah. Manque de ce mot. Manque de ce mot. Alléluia. Manque de ce mot. Qu'est-ce qui crée des guerres dans les pays? Manque de ce mot. Fidélité. Alléluia. Comment on dit? Cette semaine, il y avait un coup, bien la semaine passée, un coup d'État, quelque part. Burundi. Qu'est-ce qu'il y a? Lorsque tu vas dedans, tu vas regarder, c'est le manque de ce mot. Fidélité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Manque de ce mot. Dans les organisations, les institutions, c'est le mot-là qui crée des problèmes dans les institutions. Alléluia. Il manque de ce mot dans les familles, dans les relations. Lorsque tu vas, la cause des problèmes dans une relation, c'est le manque de fidélité. Manque de loyauté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Il faut aller chercher. Si tu as un problème avec quelqu'un, pour aller voir si c'est pas la cause là, c'est pas la fidélité. C'est manque de fidélité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit ce qui c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun soit trouvé inchangeable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Et donc, on voit la même chose dans l'église. Manque de ce mot fidélité crée beaucoup de problèmes dans l'église. Yeah. Les églises qui ont beaucoup de problèmes, tu vas voir, tu manques de fidélité. Manque de fidélité parmi les membres, parmi l'assemblée, parmi les chrétiens. Manque de fidélité. Et ça crée beaucoup de problèmes et ça ne fait pas avancer l'église. Ça ne fait pas avancer le mariage. Ça ne fait pas avancer les relations. Alléluia. Et donc, ici, on a réalisé que le Seigneur nous a révélé que ce mot est très, très important pour nous. Ce principe de loyauté ou bien de fidélité est très, très important pour nous pour grandir. Alléluia. Pour avancer, pour prospérer. Amen. Yeah. Et donc, cette église, lorsqu'on parle de loyauté, c'est pas un mot, parce que les gens disent loyauté, loyauté, loyauté, là, ça n'a plus d'importance, c'est comme ça n'a plus d'importance. Bien, parfois, on ne comprend pas très bien le mot. Alléluia. Yeah. Oh, des loyautés. Oh, ça, c'est des loyautés. Oh, ça, c'est loyauté. Et puis, ça, c'est comme, maintenant, on prend ça à la légère. Alors que ça veut dire ce qu'on demande de chacun, que chacun soit trouvé fidèle. On ne peut pas sous-estimer ce mot. On ne peut pas sous-estimer ce verset. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Et donc, ce matin, je veux vous parler un peu des étapes de déloyauté, d'infidélité. D'infidélité. Alléluia. Qu'est-ce qu'il amène à l'infidélité? Dans le mariage, dans l'organisation, dans l'église, dans les cellules, dans les associations. Allez voir ton association. S'il y a un problème, il faut aller voir. Tu vas voir que c'est à cause de manque d'infidélité. Manque de fidélité. Yeah, ton association, ton groupe là. S'il y a un problème là-bas, c'est manque de loyauté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Donc ce matin, on va voir un peu les étapes. Qu'est-ce qui amène à l'infidélité dans le mariage? Alléluia. Yeah. Et puis ce qui est que c'est parfois, c'est pas parfois, la plupart des temps, bien, oui, le plus souvent, c'est parce que lorsque ça commence, on ne réalise pas que ça c'est l'infidélité. Yeah, on ne réalise pas. Alléluia. Yeah, on ne réalise pas. Lorsque ça commence, par exemple, dans le mariage, on ne réalise pas. On ne voit pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est dangereux. Parfois, lorsque c'est déjà à la fin, ou bien au sommet, ou bien lorsque c'est déjà réalisé. Alléluia. Lorsque c'est déjà réalisé, c'est en ce moment, il y a, ah, ça c'est la déloyauté, ou bien c'est l'infidélité. Alléluia. Amen. Donc ce matin, prends ça écoute très bien, alléluia, que personne ne te dérange. Alléluia. Hein? Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne me dérange pas, parce que j'ai besoin de ce sujet-là. Alléluia. Donc, l'infidélité, c'est un processus. Il faut savoir que c'est un processus. Ça ne commence pas aujourd'hui quand je suis infidèle. Hein? C'est comme tu es là avec ton mari et puis tu te lèves un jour. Oh, aujourd'hui, je suis infidèle, donc je m'en vais. C'est pas comme ça. Alléluia. Ça commence petit à petit. Et c'est pourquoi j'ai dit étape. Alléluia. Les étapes. Les étapes. Alléluia. Deux raisons. J'ai deux raisons pour vous montrer ces étapes. Première raison, c'est pour détecter. Lorsque ça commence. Pour détecter. Si tu es dans une association, tu es dans un groupe. Alléluia. Ou bien dans l'église ici. Pour nous, ça nous aide à détecter. Alléluia. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour m'examiner, voir si, est-ce que j'ai commencé à montrer quelques signes? Est-ce que j'ai commencé le processus d'infidélité? Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Yeah. Et puis, il faut savoir que beaucoup de personnes sont offensées même pas lorsqu'on parle de loyauté, déloyauté. Yeah. Et ce matin, certains d'entre vous seront offensés. Pas la parole de Dieu, c'est pas moi, ok? Si vous on va dire, ah, mais, parce que ça, c'est quelle église on offense les gens? Alléluia. Ça, c'est quelle église où on offense les gens ici? Hein, pardon? On grandit avec. Alléluia. Amen. Yeah. Je vais vous montrer quelque chose. Ce matin, vous allez apprendre. Alléluia. Yeah. La première étape. Alléluia. OK? Pour être infidèle. Hein? frère infidèle, c'est quoi? C'est l'esprit d'indépendance. Alléluia. C'est l'indépendance. Amen. L'indépendance. L'indépendance est telle que lorsque tu es dans cette étape, c'est comme que tu ne vas même pas savoir. Si on ne te dit pas, tu ne vas pas savoir. Hein? Tu ne vas pas savoir. C'est vraiment, on l'appelle en anglais, subtle, subtil. C'est tellement subtil que si tu ne fais pas attention, si tu ne connais pas, tu ne vas pas savoir. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Et qu'est-ce qu'on parle d'indépendance? Lorsque tu es dans un groupe, ok, je prends l'exemple de mariage. Parce que tout le monde ici a une vision de mariage. Alors, les francophones disent que c'est un projet. Un projet de mariage. C'est bon, bien, c'est bon. Il y a un projet de mariage. L'année prochaine, l'année suivante, cette année, j'ai un projet. En janvier, j'ai prié. J'ai demandé le Seigneur. J'ai un projet de mariage. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans un mariage, bien dans une relation, tu n'es pas indépendant. Tu n'es pas indépendant. C'est ce que tu vas savoir. Tu n'es pas indépendant. C'est bon, il y a l'indépendance, tout ça là. Oui, il y a indépendant. Il y a un moment où on est indépendant. Il y a des situations où on est indépendant. Par exemple, en Amérique et le Ghana. Le Ghana est indépendant de l'Amérique. Yeah. Lorsqu'on fait jour d'indépendance, ce n'est même pas une nouvelle en Amérique. Ou bien le Gabon célèbre son indépendance. Ce n'est même pas une nouvelle au Ghana. À moins que tu es Gabonais au Ghana, tu dis, oh, c'est l'indépendance du Gabon. Et donc, tu es ici, tu es en train de célébrer. Sinon, on est indépendant du Gabon. On est indépendant de l'Amérique. Alléluia. Ça, c'est une forme d'indépendance. Même ça, on n'est même pas indépendant. Tu vois, on n'est pas indépendant. Alléluia. Tu vas voir qu'on dépend. On est toujours dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Psaume 95. C'est 95. Psaume 95, chapitre 6 et 7. C'est le chant là. Vous connaissez le chant là? Qui peut me chanter ça? Psaume 95. Ok, qui dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main conduit. Aussi, vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Alléluia. Amen. Yeah. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons les genoux. Fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu, et nous sommes le troupeau, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit, car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Tu n'es jamais indépendant. Tu es indépendant de Dieu. Alléluia. Et lorsque toujours tu te retrouves dans un groupe, tu n'es pas indépendant du groupe. Alléluia. Et donc, lorsque tu es dans l'étape d'indépendance, les signes d'indépendance, tu fais de ta manière. Alléluia. Lorsque on a des instructions, par exemple, dans une organisation, tu ne peux jamais faire ce que tu veux. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Parce qu'il y a des règles. Alléluia. Tu dois aller au boulot à 8 heures. Tu ne peux pas dire, toi, tu viens à 10 heures. On va te renvoyer. Alléluia. Yeah, on va te renvoyer. Et donc, dans le mariage, tu viens dans l'église, tu n'es pas indépendant de l'église. Tu n'es pas indépendant de ton mari ou de ta femme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, lorsqu'on prend l'église, par exemple, lorsque nous sommes en train de jeûner, tu vas dire que moi je ne vais pas jeûner. Ça, c'est un signe. Tu es dans l'étape d'indépendance. Lorsqu'on est en train de faire quelque chose ensemble, toi, tu fais autre chose. Alléluia. Yeah. Yeah. Lorsqu'on est en train de chanter, et tu connais le chant, dis non, moi, j'ai chanté ce matin à la maison, donc je ne vais pas chanter. Yeah. Alléluia. Yeah. Tu ne peux pas dire ça. Lorsqu'on vient à l'église dimanche matin, tu dis non, moi je ne peux pas venir dimanche matin. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on est en train de prier, on a une réunion de prière. Tu décides que non, moi j'ai prié vendredi, donc samedi, si c'est samedi, je ne vais pas venir prier. C'est l'indépendance. Alléluia. Et c'est comme ça que l'infidélité commence. Fidélité commence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Un esprit d'indépendance. Et on dit, c'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit. Tu ne peux pas être indépendant. Nous avons tous la belle selle dans les quartiers. Tout le monde a la belle selle. Toi, tu décides que non, je ne vais pas être dans la belle selle. Alléluia. Ça, c'est l'indépendance. L'indépendance. La chorale, nous venons répéter, tu ne viens pas. Tu choisis les jours de répétition pour toi-même. Yeah. C'est l'indépendance. Alléluia. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Alléluia. Donc, fais attention. Tu n'es jamais indépendant. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Yeah. De Samuel, chapitre 3. De Samuel. Wow, le temps est déjà parti. Okay. Alléluia. Yeah. De Samuel. Chapitre 3, verset 20. OK. Vous êtes là? Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Yeah. Et Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Et ils feront alliance avec toi. et tu régneras entièrement selon ton désir. Et David envoya Abna et s'en alla en paix. Ok, alléluia. Et voici Joab, les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait envoyé et lui, il s'en était allé en paix. Alléluia. Yeah. C'est l'histoire de David. David avait Joab. Joab était son bras droit. Alléluia. Et Joab était indépendant. Est-ce que vous comprenez? Joab était indépendant. Et il y avait un moment où David devait faire paix avec un autre peuple. Hein? Donc Abna était là. Alléluia. Donc il a fait paix avec Abna. Donc il devait voir célébrer cette paix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cette comment on dit? On l'appelle pacte de paix. C'est pacte de paix? Yeah. Alliance de paix. Donc dit non, maintenant on est amis, on va plus aller en guerre contre vous. Alléluia. Mais dans verset 26. OK, verset 26. Qu'est-ce que Joab a fait? Alléluia. Verset et Joab, après avoir quitté David, envoya. Joab n'était pas content. Pourquoi David doit faire paix avec ce peuple-là? Donc Joab envoya sur les traces d'Abner des messagers qui lui ramenèrent depuis la citerne de Syrah. Okay, David n'en savait rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il lui frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Alléluia. Yeah. Les gens de Abner étaient déjà avaient fait guerre déjà avec Israël. Et donc, Joab était... Ils ont tué les peuples de quelques gens d'Israël. Donc, Joab se rappelait. Donc, il a dit, mais pourquoi maintenant David veut faire paix avec ce peuple? Alléluia. Il avait un esprit d'indépendance. Donc, il a dit, non, on va pas faire paix. Donc, il a envoyé, lui, ses messagers pour aller appeler, ramener Abner et l'a tué Abner. Alléluia. Contre les instructions de David. Alléluia. Yeah, esprit d'indépendance. Le pasteur demande, OK, allons, on va faire ceci. Et puis, toi, tu décides que non, je fais autre chose. C'est un esprit d'indépendance. Alléluia. Yeah. Et puis lorsque tu es dans le mariage, tu peux pas faire ça. On a décidé et puis toi tu te lèves et puis tu commences à faire autre chose. Sans aviser, sans parler. Et puis tu fais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Joab avait montré beaucoup d'esprit d'indépendance. Alléluia. Yeah. Dans 2 Samuel. 2 Samuel, alléluia, yeah. Verset 18. 2 Samuel, verset 18. Chapitre 18, verset 14. 2 Samuel. Il y a beaucoup d'exemples, ok? Je pense aujourd'hui, on va seulement parler d'esprit d'indépendance. Chapitre 18, verset 14. 2 Samuel. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébent. Alléluia. Amen. Yeah. Absalom s'est rébellé contre son père. Son père, c'est David. Alléluia. Mais David a Non, ne tuez pas Absalom. Ne tuez pas. C'est mon fils, ne le tuez pas. Ne faites rien à Absalom. Alléluia. Mais Joab a dit non. Contre l'instruction de David, il est allé tuer Absalom. Alléluia. Yeah, un esprit d'indépendance. Un esprit d'indépendance. Donc, on voit ça dans l'église. Chaque fois lorsque les institutions sont données, chaque fois qu'on demande, on fait quelque chose ensemble, beaucoup de personnes décident de faire autre chose. Alléluia. Yeah. Et dans cette église, le sujet ou bien les principes de loyauté sont pratiqués à la lettre. Yeah, parce que nous savons, on a eu beaucoup d'expérience dans cette église, lorsque l'église a commencé. Alléluia. Beaucoup de personnes s'est rébellées. Les gens se rébellent aujourd'hui même. Amen. Et parce que nous pratiquons, par la grâce de Dieu, Dieu nous a montré que c'est important et nous pratiquons ça. Ça qui fait que l'église a grandi. Yeah. Sans ça, l'église, Lighthouse ne sera pas ce que nous sommes aujourd'hui. S'il y a un secret, je pense qu'il y a beaucoup de secrets, l'onction qui est là, mais il y a un secret qui a fait grandir Lighthouse, c'est le principe de fidélité. Alléluia. Le principe de loyauté. Alléluia. Le principe de loyauté nous a aidé à grandir, à avoir beaucoup d'églises, beaucoup de personnes, beaucoup de branches. Alléluia. Partout dans ce monde. Donc ici, on ne permet pas un esprit d'indépendance. Permet pas. Alléluia. On ne permet pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais regardez. Yeah. Yeah. Lorsqu'on est en train de faire les choses ensemble, tu ne peux pas décider de faire autre chose. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Alléluia. Amen. Et donc, il faut comprendre la conséquence de l'esprit d'indépendance. Ça détruit tout. Ça détruit tout. David, il a tué son fils. Joab a tué le fils de David. David a dit non, c'est mon fils. C'est mon fils. Je l'aime. Il ne faut pas le tuer. Joab est allé tuer, Absalom. Oui, ce que Absalom a fait, ce n'est pas bon. Mais David sait pourquoi il a dit non, ne tuez pas Absalom. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? Yeah. Il y a un autre exemple. Beaucoup d'exemples. Joab, il était indépendant. Un jour, on l'a envoyé, va aller guerre en guerre contre un peuple. Alléluia. David envoie Joab, va. C'est comme on t'envoie, va faire la vaisselle. Hein? Un berger envoie, va faire la vaisselle dans le quartier là-bas. Joab est allé, il est en guerre, et puis il a gagné la guerre. Alléluia. Donc, lorsqu'il est en train de gagner la guerre, il a envoyé un messager, va dire à David. David, si tu ne viens pas, moi je vais mettre mon nom ici. Hein. Ville de Joab. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Il dit, va. Hein? 2 Samuel chapitre 12, verset 28. Hein, on peut lire ce verset, il y a beaucoup de versets là. 2 Samuel, chapitre 12, verset 28. De Samuel, ok? Chapitre 12, verset 28, ok? Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Ah, que je la prenne moi-même. Moi-même, c'est moi. Alléluia. Yeah, tu ne peux pas être indépendant. Yeah, tu ne peux pas être indépendant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. En anglais, on a dit dans cette version, on dit, dans notre version, on dit que j'appelle ce peuple mon nom. Je mets le nom, mon nom sur ce peuple. Yeah. Mets son nom. Je veux dire que la vie là, c'est à Joab. La vie de Joab. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dans l'esprit d'indépendance, on ne permet pas ici. Et si tu réalises que tu es indépendant, reviens. Hein? Reviens. Je vous ai dit que la raison, il y a deux causes, deux raisons pour lesquelles je suis en train de partager ça. Pour détecter ceux qui sont indépendants et pour examiner soi-même si tu es indépendant. Et si tu es indépendant, sois indépendant, sois dépendant. Sois dépendant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Yeah. Après, je vais vous montrer pourquoi je suis en train de vous montrer ça. Pourquoi? Pourquoi loyauté? Alléluia. Yeah. Esprit d'indépendance. Esprit d'indépendance. Alléluia. Deuxième étape. Esprit d'offense. Donc, ne sois pas offensé, ok? Oui, on s'offense. Offense, yeah, on ne peut pas éviter offense. On sera toujours offensé. Yeah, mais il faut savoir quoi faire. Alléluia. Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24, verset 10. Ok. Alors, aussi plusieurs succomberont et se trahiront et seront haïrs et se railleront les uns les autres. Alléluia. Plusieurs succomberont. Alléluia. Plusieurs seront offensés. Amen. Yeah. Plusieurs vont s'offenser. Vont succomber. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, ce que la Bible dit, succomberont, c'est offensé. Sera offensé. Et tu vas trahir. C'est ça l'infidélité. Lorsqu'on s'offense, on risque de trahir. On risque d'être infidèle. Lorsqu'on est offensé, on risque d'être infidèle. Dans la relation, tu es offensé, tu vas quitter. C'est fini. Alléluia. Est-ce que ça n'arrive pas à chaque fois? Yeah! L'offense va arriver. Toujours, on sera offensé. Lorsque tu es dans un groupe, même si c'est les membres du groupe, c'est seulement deux. De l'association. L'association des frères, des beaux-frères, sont seulement deux. Dans l'association. L'association des beaux-frères de l'église. Et dans cette association, nous sommes seulement deux. On est en train de recruter des membres. Mais avec les deux, il y aura offense. Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. Et si tu ne sais pas, tu vas voir que l'association ne va pas grandir. Et tu vas dire, ah ok, non, l'association là, on a annulé, on a arrêté. Le gars là, il m'offense chaque jour. Il est beau, mais il me dit que moi je ne suis pas beau. Alléluia. C'est ça qui crée chaque jour. On est offensé chaque jour. On n'a pas des amis. Alléluia. Et le diable utilise ça. Toujours, toujours. Toujours, toujours. Ceux qui sont facilement offensés. On ne peut pas rester avec toi 2 minutes. 2 minutes, il y a un problème. Yeah. 2 minutes, on ne peut pas rire avec toi. Lorsqu'on commence à rire, tu penses qu'on se moque de toi. Yeah. Lorsqu'on te regarde comment tu penses que je ne suis pas belle. Regarde comment tu me regardes. Yeah. Yeah. À la maison, chaque fois, il y a des problèmes dans des familles qu'offense quoi. On ne parle plus avec les membres de famille. Hein? La Bible dit que offense, on aura offense. Moi, je vous ai dit, si je veux t'offenser. S'il vous plaît, pardonne-moi avant l'offense. Pardonnez-moi avant l'offense. Alléluia. Yeah, c'est la nature parce que nous sommes imparfaits. Hein? Le temps imparfait. Le temps imparfait. Alléluia. Yeah. L'offense, on aura toujours l'offense. Yeah. Absalom était offensé. Yeah. Absalom, il était offensé dans la Bible. Alléluia. Je pense qu'on va continuer la semaine prochaine. Les anglophones. Là. Donc, il faut toujours essayer d'identifier ceux qui sont offensés. Ceux qui sont offensés, toujours. Toujours. Regarde ton voisin. Est-ce que tu es content? Demande ton voisin, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es offensé? Ah! Est-ce que le fait que je suis à côté de toi, est-ce que j'étais offensé ce matin? Oh, tu ne demandes pas. Oh, sœur, tu es offensé aussi. Parce que je t'ai demandé de demander. Alléluia. Yeah. Yeah. Donc, dans cette église, on a même développé ça. On demande, oh, est-ce que tu es content? Are you happy? Is everything okay? Yeah, are you happy? Yeah, parce qu'on veut que tout le monde soit content. On ne veut pas d'offense, on ne veut pas offenser. Si tu n'es pas content, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais offensé? Tu peux me pardonner. Qu'on puisse avancer. Alléluia. Parce qu'on va s'offenser toujours. Yeah. Qui sont ceux qui sont mariés ici? Oh, il y a seulement une seule personne. Ok, qui sont ceux qui sont dans une relation ici? Ah, là, au moins. Yeah. Est-ce qu'on s'offense? Est-ce que ton partenaire t'offense? Yeah. Est-ce que toi aussi tu offenses la personne? Vous voyez, le mariage, ton amour sera testé par l'offense. Yeah. Le jour là-haut, je t'aime, lorsque je te vois, mon cœur bouge de la gauche vers la droite, du haut en bas, mon cœur, mon amour est profond parce que mon cœur bouge d'en haut vers en bas. Je sens le battement de mon cœur aux orteils parce que mon amour est profond. C'est les orteils, non? Ah, le battement de... Mais le cœur ici, là, parce que mon cœur est profond. Oh, mon amour est profond. Hey! Mais lorsqu'on s'offense, le cœur s'arrête de se battre. L'amour s'arrête. Alléluia. Yeah. Yeah. Alléluia. Yeah. Donc, dans une association, dans l'église, yeah, comme ce qu'ils ont montré ici, on sera toujours offensé. Nous ne sommes pas parfaits. Yeah. Ce qu'ils ont montré, l'une des causes de rétrogradation, de rétrograder, d'arrêter d'aller à l'église, c'est surprise chrétienne. Lorsque tu vois un chrétien qui fait quelque chose qui te surprend, comment est-ce qu'un chrétien va voler? Parce que nous sommes imparfaits. Les gens ne comprennent pas pourquoi dans l'église il y a des gens qui font des bêtises. Yeah. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour écouter la parole. Pour arrêter de voler. Yeah. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc la surprise chrétienne peut faire que tu vas laisser tomber ton salut. Tu vas arrêter l'église. Tu vas laisser Dieu. Surprise chrétienne. Alléluia. Est-ce que tu as pu avoir une surprise chrétienne? Tu as entendu une histoire de l'église, parfois même au haut niveau. Un pasteur, un évêque, un prophète, un évangéliste a fait quelque chose, scandalisé. Ce sont des surprises chrétiennes. Alléluia. Mais ici, on va te dire que c'est une surprise chrétienne. Donc, lorsque tu es surpris, ne sois pas surpris. Reviens, viens à l'église. Nous sommes tous dedans. Dieu est en train de nous parfaire. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est de l'eau qui nous lave, qui enlève les quoi là? Les impuretés, les bêtises. Et à un moment donné, tu réalises que, ah, maintenant ça devient un peu. Est-ce que tu ne vois pas que ta vie maintenant, c'est un peu, ça va un peu, les trucs là sont en train de tomber. Yeah! Alléluia! Donc nous sommes imparfaits. Imparfaits. Du pasteur jusqu'à la dernière personne. De l'évêque jusqu'à tout le monde est imparfait. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Yeah! Donc il faut comprendre ça. Sinon, tu ne peux pas avancer, tu peux aller loin avec Dieu. Tu peux pas aller loin, tu seras offensé. Moi, j'étais offensé. J'étais offensé parce que mon berger, ma bergère, a fait quelque chose que j'ai pas aimé. J'étais offensé. Et j'ai laissé l'église, je suis resté à la maison. 2 semaines. Et le Seigneur m'a réprimandé. A dit, est-ce que c'est à cause de cette personne que tu es à l'église? Alléluia. Ta présence à l'église ne doit pas être à cause d'une personne. Si tu viens dimanche matin et la personne n'est pas venue à l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas aussi, tu vas partir. Yeah. Donc ta présence à l'église ne doit pas dépendre de la présence de quelqu'un. Oui, nous venons tous pour rencontrer des amis, on fait des choses, certains même on fait des business ensemble, tout ça là, et puis donc je viens à l'église, je veux le voir, ou bien je suis en train de chercher un mari, donc je suis arrivé. Je cherche une femme, donc je suis là. Il y a des belles femmes à l'église là, et puis donc je suis là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est pas une réalité? Yeah. Mais lorsque la personne n'est pas là, toi tu ne dois pas partir. Lorsque la personne t'offense, tu ne dois pas partir. Reviens, dis à la personne, tu m'as offensé. Demande pardon. Hein? Dis à la personne, toi tu m'as offensé, demande pardon, je vais te pardonner. Oui, c'est ça, c'est la manière dont nous devons vivre à l'église. Alléluia. Pourquoi tu dis, ah, tu m'as offensé, demande pardon, je suis blessé, demande pardon. Ah, demande pardon, je vais te pardonner. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, le pardon, c'est la personne qui est offensée qui demande pardon. Est-ce que vous savez ça? C'est la personne qui est offensée qui demande pardon. C'est pas la personne qui a offensé. Vous comprenez ce que je dis? Donc si tu es offensé, c'est toi qui demande pardon. Toi qui demande pardon. Parce que la personne qui t'a offensé, peut-être qu'il ne sait même pas. Il ne sait pas. Lorsque Jésus est sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Levez-vous, on va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que tu peux fermer les yeux et dire merci? Remercier le Seigneur pour sa parole. La parole. Sa parole, dis merci. Si tu vois que tu es un esprit d'indépendant, demande Dieu, Seigneur, sa parole me dit que tu es mon Dieu, c'est toi qui m'as créé. Je ne suis pas indépendant. Et je ne veux pas être indépendant de l'église, de l'association, du groupe, de l'institution. Seigneur, je ne veux pas être indépendant. Je ne veux pas être indépendant de ce qui se passe. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je ne veux pas être indépendant. Je veux faire partir. S'il y a une réunion, je vais venir. S'il y a un culte, je serai là. Si on me demande si nous sommes en train d'aller en évangélisation, je vais aller. Si nous voulons prier ensemble, je veux prier. Je ne veux pas prier seul disant que non, moi, je suis indépendant. Seigneur, aide-moi. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette sagesse. de ne pas être indépendant, Seigneur. Au nom de Jésus. Et Seigneur, demande pardon. Demande pardon ce matin. Si tu as offensé quelqu'un, demande pardon. Si quelqu'un t'a offensé, pardonne la personne ce matin. Pardonne la personne. Peut-être que c'est dans ta famille. Peut-être que c'est à l'école. Peut-être que c'est à l'hostel, à la maison. Peut-être que c'est ton ami. Peut-être que c'est ton épouse. Peut-être que c'est ton époux. Peut-être que tu es dans une relation. Toujours offense. C'est naturel. C'est ça la vie. Il y aura toujours des offenses. Mais demande que le Seigneur te donne un cœur qui est grand. Un cœur élargi. Pour pouvoir recevoir toutes les offenses et pouvoir pardonner. Demande le Seigneur ce matin. Qu'il te donne un cœur de pardon. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas ton voisin que tu vois, comme être Dieu qui ne va pas te pardonner. Dieu ne va pas te pardonner. Demande pardon ce matin. Demande pardon. Et pardonne. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Je sens ce matin qu'il y a des personnes ici qui doivent pardonner certaines personnes. Il doit pardonner. C'est quelque chose qui te bloque. Il y a un béton au-dessus de ta tête. Et tout ce que tu dis à Dieu ne va pas à Dieu. À cause de manque de pardon. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Tu es ici. C'est difficile pour toi de pardonner. C'est difficile. Si tu es là, viens demain. On va prier. C'est difficile pour toi de pardonner. Viens. Difficile. Viens. Je sens la présence de Dieu ici. Le Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te toucher. Le vendredi passé, on avait une réunion ici. Et il y avait des anges ici. Et ce matin, il y a des anges ici pour te toucher, pour te donner un cœur de chair, un cœur brisé. C'est ce que David a dit. Donne-moi un cœur brisé. Un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur qui arrive à pardonner, à laisser tomber. Ça ne fait rien. Et ce matin, je veux que tu pries toi-même. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Un cœur qui laisse tomber. Au nom de Jésus. Je sens la présence ce matin. Oh, les bros, c'est les bas. Qu'à la chambre, c'est les bébés. Oh, les bros, c'est les bébés. Que les chambres, c'est les mamas. Oh, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit fait une opération ce matin. De ton cœur. Au nom de Jésus. Tu vas sentir une chaleur. Tu vas sentir une chaleur. Tu vas sentir quelque chose. Bien, tu ne vas rien sentir parce que c'est spirituel. C'est spirituel. Le Seigneur te donne l'habilité. La force, l'habilité. L'habilité. Une habilité divine pour pardonner. Tu ne sais pas pourquoi tu dois pardonner. Mais tu arrives à pardonner. C'est ce cœur-là que le Seigneur te donne ce matin. Au nom de Jésus, le Seigneur enlève cette offense. Tu es tellement blessé dans le cœur. Tu es tellement blessé que tu n'arrives pas à pardonner. Et ce matin, le Seigneur te donne un cœur pour pouvoir pardonner. Au nom de Jésus, une habilité divine qui vient d'en haut. Une certaine puissance pour pouvoir pardonner. Au nom de Jésus. Alebro, seleba, kala chambro, selebaba, kele chambo. Antelebro, selebebe, kele chambras, telebaba. Oh, les bros, c'est les bébés, que les chambros, c'est les babas, que les chambras, c'est les babas. Ante les bros, c'est les bébés, que les chambros, c'est les babas, que les chambas. Y que les bros, c'est les bébés, que les bros, c'est les bébés, que les chambros. Oh, le Seigneur fait une opération de ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne. Y que les bros, c'est les bébés. Le Seigneur enlève cette douleur. Douleur d'offense. La douleur qui est venue à cause de l'offense, le Seigneur l'enlève ce matin. Au nom de Jésus, bro se que les chambro y que les mabro se les bébé que les chambra se les baba. Oh Seigneur, bro se les baba que les chambro y que les bro se les bébé que les bro se les bébé les bébé les bébé y que les mabro se les baba que les chambro se les baba y que les bro se les bébé que les chambro. Si j'ai déjà, tu t'es déjà touché, est-ce que tu peux retourner à ta place? Déjà retourner, retourne à ta place. Le Seigneur a déjà fait. Le Seigneur a déjà fait. Le Seigneur a déjà fait. Brossez les bas. Oh Seigneur, touche. Touche Seigneur. Touche Seigneur, au nom de Jésus. Donne-le un cœur qui pardonne, un cœur qui laisse tomber, un cœur qui ne garde pas les offenses, qui ne garde pas les offenses, au nom de Jésus. Ikele brosse les babas, kele chambre, brosse les bébés. Oh Saint-Esprit, brosse les mamas, fais un travail dans le cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, une onction pour pardonner. Une onction pour pardonner. Une grâce pour pardonner. Une habilité pour pardonner. Au nom de Jésus. Ikele brosse les babas, kele chambre, brosse les bébés. Ikele mabrosse les babas, ikele bébé, les bébés. Oh Seigneur, aie pitié ce matin, aie pitié ce matin, aie pitié, brosse les babas, que les chambres, y que les brosse les bébés, que bébé les bébés, y que les brosse les bébés, que bébé les bébés, entre les mains brosse les babas, que les chambres, y que les mains brosse les bébés, que bébé les bébés. Oh Seigneur, merci, merci, tu as déjà fait pour elle, tu as déjà fait un nouveau cœur. Un nouveau cœur au nom de Jésus. Ikelebro c'est les bébés, que les chambres c'est les babas. Antelebro c'est les bébés, que les chambres c'est les bébés. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Un cœur de pardon. Un grand cœur. Un grand cœur. Un cœur qui est grand pour recevoir toute offense et pour laisser tomber, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Brossez les bas. Yann que les bros, c'est les bébés, que bébé les bébés. Oh Seigneur, touche le cœur, touche la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Oh les bros, c'est les babas, que les chambos. Seigneur, merci au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Il y a quelqu'un ici. Tu n'arrives pas à pardonner, mais tu ne sais pas. Tu n'es pas venu bien. Tu ne sais pas que tu n'arrives pas à pardonner facilement. Alléluia. Amen. Fermez les yeux. Seigneur, je prie. Touche les cœurs ce matin. Pour pardonner. Pour pardonner. Seigneur, l'église va offenser. Les membres de l'église, Seigneur, pas les infidèles, pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Les chrétiens vont offenser, Seigneur. Mais lorsque les chrétiens offensent, Seigneur, donne-nous l'habilité de pouvoir pardonner. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'on ne retourne pas à cause de l'offense. Qu'on ne parte pas à cause de l'offense. Qu'on ne quitte pas cette église à cause de l'offense. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Amen. Et avant de s'asseoir, je vais prier pour toi. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Tu n'as pas le salut. Tu sais dans ton cœur que tu n'as pas pris une décision. Si par exemple, si le Seigneur arrive aujourd'hui, tu n'es pas prêt pour aller au ciel parce que tu connais ta vie, tu te connais très bien que tu n'as pas le salut. La Bible dit que lorsque tu crois dans ton cœur et tu confesses, tu reçois le salut. Tu confesses Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton sauveur. Si tu le confesses, tu vas recevoir le salut. Et ce matin, je vais te donner l'opportunité. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Tu veux donner ta vie à Dieu ce matin? Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu veux donner ta vie. Merci, ma soeur. Merci. Toi, si tu veux lever la main, on va prier. On va prier avec toi. Lève la main. Tu veux donner ta vie à. Tu sais dans ton cœur que tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut. Ou bien tu n'es pas sûr. C'est quand... Qu'est-ce que le personnage est en train de dire? Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Ou bien tu ne comprends pas. Ce matin, la Bible dit que le Seigneur est venu pour nous sauver. Et à moins que tu ne reçois, tu ne le reçois pas. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Et ce matin, tu veux dire, Seigneur, je ne veux pas partir sans recevoir le salut. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir, ma soeur? Viens, on va prier. Viens. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Alléluia. Amen. Répète après moi, dis, Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Et Seigneur, je le confesse qu'il est mon sauveur. Je l'invite dans ma vie. Qu'il soit le Seigneur de ma vie. Qu'il soit au contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés dans le futur. Seigneur, pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je vais te servir le reste de ma vie. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Et je vais le servir à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci. Amen. Seigneur, je prie pour elle. Seigneur, une grande grâce repose sur elle. Au nom de Jésus, une grande grâce, une grande grâce, une grande grâce pour te servir, pour réussir dans cette vie, pour accomplir beaucoup de choses dans cette vie. Une grande grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous asseoir, s'il vous plaît.